Radio Mont-Blanc, l'agenda. Tout au long du mois d'octobre rose, l'entraide internationale des scouts de la région de Cluses vous donne rendez-vous pour 4 dimanches exceptionnels placés sous le signe de la convivialité, des découvertes et des bonnes affaires. Rendez-vous notamment ce dimanche 5 octobre de 9h à 17h30 au 2204 avenue des Glières à Cluses. Ce sera comme ça tous les dimanches d'octobre. Ce sera l'occasion de dénicher de belles trouvailles, objets uniques, sélections originales et opportunités à ne pas manquer. Vous profiterez aussi d'une restauration et d'une buvette sur place. C'est à Cluses pendant tout le mois d'octobre. À Annecy, comme chaque année depuis 2010, le High Five Festival rassemble toute la communauté du ski à Annecy. C'est le festival du ski, mais pas que. Entre présentation de films, conférences, sessions de dédicaces, animations et soirées, l'événement offre de quoi faire vibrer toutes les générations de passionnés de l'outdoor. Retrouvez tout le programme sur high5-festival.com. Ça commence demain vendredi, c'est jusqu'à dimanche.